Quand je dis ton nom, Michel-Ange, tout s'éteint. Michel-Ange, en rêve, je te rejoins. Quand je dis ton nom, Michel-Ange, tout est loin. Michel-Ange, si loin, cette chaleur, ta main et ta douceur, tes lèvres sur mes cheveux, tes yeux un peu trop bleus. Je dis ton nom, Michel-Ange, tout s'éteint. Michel-Ange, le décor disparaît. Quand je dis ton nom, Michel-Ange, ton pays, Michel-Ange. Michel-Ange, Michel-Ange.